écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver comme tous les jours la chronique quotidienne de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Pourquoi a-t-on une passion pour le théâtre ? Pendant le confinement qui a marqué de son signe la pandémie, qui a été le cœur même de la pandémie dans l'expérience collective avec tout le reste pourtant autour, pendant ce confinement donc, il y avait plus d'une souffrance, plus d'une chose vitale qui nous apparaissait par son absence même. Nous manquions de nous voir, nous manquions des cafés, nous manquions de nous rencontrer, nous manquions d'aller voir nos proches, nos amis, y compris les personnes malades, mais il y a aussi une chose qui nous a manqué tout particulièrement, et c'est le spectacle vivant. Et dans le spectacle vivant, toutes les dimensions du spectacle vivant, mais peut-être en particulier quelque chose qui a à voir avec le théâtre. La représentation du drame des humains, la présence physique d'acteurs qui parlent, qui se déchirent, qui se rencontrent, qui se renouent, qui expriment les sentiments humains profonds, ces sentiments qui ont lieu, non pas sur la scène apparente du monde, dans ce qu'elle a d'évident de premier, mais dans cette autre scène, cette autre scène qui est peut-être non pas la scène secondaire mais la scène première, cette autre scène, pour prendre l'expression de Freud dans la psychanalyse, qui est la scène de nos pensées, de nos désirs, de nos peurs, la scène de l'intimité, la scène de nos passions. Oui, le théâtre au sens large, c'est non seulement un art parmi d'autres, mais ça désigne cette scène, cet espace où ont lieu aussi tous les arts, où a lieu la littérature en général, la musique, la peinture, tous ont lieu sur le théâtre de l'art, sur cette autre scène qui est la scène de l'intimité, la véritable scène de l'humanité, la scène aussi qui va résonner dans la politique et dans le monde. Oui, nous avons besoin du théâtre, nous avons cette passion des théâtres et nous avons besoin de ces personnages qui prennent en charge toute la douleur et les plaisirs du monde. Ces personnages qui hantent l'histoire aussi, ces grandes figures théâtrales qui jalonnent depuis l'Antiquité et ses tragédies jusqu'à nos drames contemporains, y compris ceux qui décrivent nos épreuves historiques, eh bien nous avons besoin de ces personnages qui viennent nous secourir au pire moment, comme par exemple chez Charlotte Delbo, dans ce texte « Spectre, mes compagnons », où elle voit réapparaître Alceste, le misanthrope, dans la pire épreuve de la déportation, qui vient à son secours. D'une façon très curieuse, la passion pour le théâtre vient parfois nous secourir, même dans les pires épreuves du monde. Mais elle exprime aussi des petites souffrances ordinaires. Écoutons ici un personnage de l'École des femmes, dans la version d'Isabelle Adjani. La promenade est belle. Oh, belle. Le bonjour. Fabou. Quelle nouvelle ? Le petit chat est mort. Le petit chat est mort. Cette phrase n'a l'air de rien. Elle est restée comme une marque de l'expression étouffée des voix féminines sur la scène d'un théâtre qui les écrase, sur la scène d'un théâtre qui a longtemps résisté justement contre cette oppression de la voix féminine, Antigone, mais aussi Ophélie, mais aussi Célimène, et ici, dans l'École des femmes, voilà que le petit chat est mort, c'est Agnès qui vient, à travers cette expression, nous faire partager une épreuve peut-être dérisoire, comme dans la chanson aussi de Michel Polnareff, « La petite bête est morte ce matin dans le jardin ». Oui, mais dans ces petits chagrins, il y a toute la douleur du monde, et notre passion pour le théâtre, c'est la vérité de cette autre scène, qui est en fait la première et la plus importante. Merci beaucoup Frédéric Worms, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page Le Pourquoi du Comment. Et un grand merci, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, chaque semaine à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda ont réalisé pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Azubert, à la lecture des textes, Denis Podalides. On se retrouve demain, ce sera l'occasion de redécouvrir un cours particulier enregistré en compagnie du né Mathilde Laurent. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant, podcastant l'émission afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de répondre à vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.